Les Indiens dansent avec des pieds acidiques. Ernest Bloch et sa Rhapsodie America. Ernest Bloch, un autre compositeur expatrié, utilise de la folk musique américaine comme Dvorak 30 ans avant lui. En 1928, il remporte le concours national lancé par le magazine Musical America, visant à récompenser une symphonie épique américaine, dont le jury est composé des chefs des orchestres symphoniques de New York, Boston, San Francisco, Chicago et Philadelphie, lesquels sont d'ailleurs tous nés à l'étranger, et Walter Damrosch mis à part, y ont été formés. En plus d'un prix de 3 000 $, la Rhapsodie America de Bloch est créée simultanément par ces 5 orchestres en décembre 1928. Si le magazine organise une vaste campagne de promotion en vue de l'événement et que la première anticipée au Civic Auditorium de San Francisco fait salle comble, les milieux musicaux ne sont pas unanimement enthousiasmés par l'œuvre de Bloch. Les tenants de l'ultramodernisme la jugent trop conservatrice et les compositeurs et critiques conservateurs trop juives pour représenter l'esprit américain. Quelles ont été les motivations de Bloch pour écrire America ? Œuvre nationale dans son titre, aux aspirations universelles dans ses annotations, alors même qu'il se décrit avec amertume comme apatride aux États-Unis comme en Europe. La question de savoir pourquoi, comment et quelle folk musique américaine il emploie ouvertement dans America se pose d'autant plus que Bloch prend alors ses distances vis-à-vis de l'usage des musiques traditionnelles juives. Sa vision wagnérienne de l'art, où valeurs nationales et universalistes se conjuguent et où la musique est pensée comme une expression à visée universelle d'intuition intime de l'artiste, nous ramène à la question cruciale des liens complexes entre l'idée de génie individuel du compositeur d'un côté et celle de la nécessité de l'ancrer dans la tradition d'un peuple. Au même moment où Bloch termine sa rhapsodie, Sidney Robertson s'inscrit à ses cours d'analyse musicale au Conservatoire de San Francisco, et c'est par lui qu'elle découvrira le monde de la tradition orale et de la folk music. Première partie, America, une rhapsodie simple et populaire à portée universelle. Bloch débute sa carrière dans les années 1900 à Genève et Paris. Ses premières compositions rencontrent un succès nuancé, certains critiques européens reprochant à sa musique un manque d'identité nationale, spécifique de par sa double formation dans les traditions de composition française et allemande. À partir de 1912, il commence à travailler sur son cycle juif, qui reçoit des critiques positives des deux côtés de l'Atlantique et assoit sa réputation de « maître de l'expression hébraïque », selon l'expression d'un critique du San Francisco Chronicle. Pour Bloch, la manière adéquate d'exprimer sa judaïté en musique ne passe pas forcément par un retour aux musiques traditionnelles juives. Il propose au contraire d'aller chercher dans son inconscient la source d'un judaïsme idéal et personnel. Cette démarche explique, au moins en partie, pourquoi Bloch ne fait qu'un usage limité et discret de musique traditionnelle juive dans son cycle juif. Il déclare à Gatti et Baker dans leur article du Musical Quarterly de 1921, et là je cite Bloch, je ne propose ni ne désire tenter une reconstruction de la musique des Juifs, non plus que fonder mon travail sur des mélodies plus ou moins authentiques. Je ne suis pas un archéologue. Je crois que le plus important est d'écrire de la musique bonne et sincère, ma propre musique. Bloch vit aux États-Unis depuis près de 10 ans lorsqu'il se lance en 1926 dans la composition de sa rhapsodie épique « America ». Pourquoi réalise-t-il une œuvre nationale construite sur de la folk musique américaine alors qu'il a du mal à s'acclimater à son pays d'adoption, ce rude pays de pierre, de fer, de goudron, ce pays minéral sans souplesse, sans tendresse, sans demi-teinte, comme il l'écrit après son arrivée à l'écrivain suisse Romain Rolland. Dans cette correspondance suivie de 1911 à 1903, donc entre Bloch et l'écrivain Romain Rolland, Bloch ne cache pas ses ressentiments à l'égard de ce qu'il perçoit du climat intellectuel des États-Unis et des valeurs morales des Américains. Il mentionne par exemple le procès fait en 1925 dans le Tennessee au professeur John T. Scopes pour avoir enseigné la théorie de l'évolution à ses élèves. Et il juge ce procès, je le cite, « l'indice de l'état des esprits et de la direction dans la pensée aux États-Unis d'Amérique en 1925. Cela donne une idée de l'intelligence, de la tolérance, du libéralisme de ce pays. la police partout, des lois désuètes et une conception de la justice qui ne serait tolérée par aucun pays pensant. Il est certain que Bloch ne compose pas America pour célébrer la situation contemporaine des États-Unis. Il a obtenu la citoyenneté américaine en 1924, mais il se prétend toujours apatride. De retour d'un séjour en Europe en 1927, il confie à Roland « Il m'est bien dur, à bien des égards, de retourner là-bas. Je suis un sans-patrie. J'appartiens à l'Europe plus que je ne croyais. Il faut y avoir un pied, peut-être même deux. » Bloch exècre également tant l'esprit capitaliste que l'influence des women's clubs qui, selon lui, régissent la vie artistique aux États-Unis. Il écrit « En art, c'est l'industrialisme, le bluff, le business avant tout. Tout est entre les mains des femmes, des femelles, je devrais dire, riches, désœuvrées, insatisfaites sexuellement. » Son constat quant à l'état de l'art contemporain et en particulier de la musique est très pessimiste. Elle serait devenue superficielle et coupée de la vie. Voici ce qu'il écrit. Il y a quelque chose de tragique dans le degré auquel la musique s'est peu à peu séparée de la vie pour devenir une chose égocentrique et artificielle. Déjà, avant la guerre, elle s'était égarée de la source où tout art doit trouver sa force et sa renaissance continuelle. Elle manquait de vie émotive, elle manquait d'humanité. C'était devenu une chose froide et calculée, sans vie et sans esprit. La musique n'était plus l'émanation d'une race et d'un peuple, naissant spontanément de la vie. C'était une musique de musiciens. Bloch identifie deux courants au sein du monde de l'art des sociétés modernes qui auraient tous deux corrompu avec la vie. Rompu avec la vie. Le premier est celui des masses, le plus bas. Il écrit « Leur goût facile coule sous l'amour de la platitude et le poids des inventions mécaniques, phonographes, radio, cinématographes. » Et le second, le courant intellectuel, highbrow, le plus élevé, celui qui, il écrit, « regarde l'art comme un luxe, comme un pourvoyeur de sensations rares, comme une affaire d'acrobatie intellectuelle. » Ces compositeurs intellectualistes, s'ils ne sont pas tous esclaves de la marchandisation de l'art, le sont néanmoins des conventions de notre temps et de la mode. Leurs œuvres seraient stériles, car totalement déconnectées de leurs émotions. Il écrit « La plupart de nos artistes aujourd'hui ne vivent pas une vie riche et intégrée. Leur vie est raréfiée, cérébrale, artificielle, largement une quête de technique. » Bloch exprime des critiques encore plus cinglantes à l'encontre des compositeurs ultramodernistes américains, qu'il qualifie de « hordes de jeunes farceurs et d'amuseurs qui exploitent la foule des snobs sous le nom d'ultramodernistes ». Il rejette également la cérébralité de la musique de Schoenberg. En 1933, il republie sous le titre « Man and Music » dans le Musical Quarterly son réquisitoire de 1917 contre l'abstraction dans l'art. Simple et populaire, « America », donc sa rhapsodie, inspirée de folk music, est censée prendre le contre-pied tant du courant des masses que du courant intellectualiste. L'objectif de Bloch, comme il l'écrit à Roland, et qu'America devienne un hymne pour le peuple américain. Je le cite. J'ai achevé ici, sur mon lit, une grande symphonie, de caractère populaire, et que j'ai envoyée aussi à un concours. J'ai tâché d'exprimer l'épopée américaine. Elle se termine par un chant national, très simple, que j'ai créé d'un jet et que le public doit chanter. On retrouve chez Bloch une approche démocratique de la musique assez similaire à celle d'Arthur Farwell. Sa composition doit parler au peuple qui doit se l'approprier. Il se réjouit d'ailleurs de la bonne réception de son œuvre dans la rue, aussi bien auprès de son épicier et de son cordonnier que du facteur et du conducteur du tram, qui selon lui, je le cite, « parle d'America comme de leur symphonie déjà ». La première de la rhapsodie America à San Francisco est conçue par ses organisateurs comme un événement civique, un concert municipal. Elle se tient d'ailleurs dans le Civic Auditorium de la ville, s'inscrivant ainsi dans la lignée du Community Music Movement auquel Farwell avait lui-même contribué. Si Bloch qualifie le thème principal d'America de « chant national », il s'agit plus pour lui d'une vision idéaliste du futur que d'une célébration de l'état actuel de la société américaine. Dans sa dédicace d'America au poète Walt Whitman, et à l'ancien président Abraham Lincoln, il décrit ainsi les idéaux américains auxquels il accorde une portée universelle. Ils incarnent le credo futur de toute l'humanité, une union, dans un but commun et sous une direction volontairement acceptée, de races largement diversifiées, pour finalement devenir une race forte et grande. Donc, plutôt que d'exalter le nationalisme américain pour et en lui-même, Bloch cherche à participer à la création d'un esprit de la planète, c'est son expression. Mais contrairement à l'inspiration de son cycle juif, cet idéal universel ne provient pas d'une racine qu'il posséderait en lui-même, mais d'une nation à laquelle appartiennent de multiples peuples externes à lui. Dans le prochain épisode, on verra les inspirations folk que Bloch utilise dans sa Rhapsody America. Je vous laisse avec un petit morceau de justement la Rhapsody America d'Ernest Bloch, donc interprété par l'Orchestre Symphonique de Slovaquie.